petites misères de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. 9e épisode. Le tyran domestique. Ma chère Caroline, es-tu contente de Justine ? Oui, mon amie. Tu ne trouves pas qu'elle te parle d'une façon qui n'est pas convenable ? Pourquoi est-ce que je fais attention à une femme de chambre ? Il paraît que vous l'observez, vous. Plaît-il ? Demanda Dolphe d'un air indigné qui ravit toujours les femmes. Ma chère, cette fille devient de jour en jour plus insupportable. Et si vous ne la renvoyez pas, je la renverrai, moi. Dit un jour Adolphe à sa femme en s'apercevant que Justine écoute aux portes. Caroline, épouvantée, est obligée, pendant que monsieur est dehors, de chapitrer Justine. Justine, vous abusez de mes bontés pour vous. Vous avez ici d'excellents gages. Vous avez des profits, des cadeaux. Tâchez d'y rester, car monsieur veut vous renvoyer. La femme de chambre s'humilie, elle pleure, elle est si attachée à madame. Ah, elle passerait dans le feu pour elle. Vous auriez quelque chose à cacher, madame, je le prendrais sur mon compte. C'est bien, Justine, c'est bien, ma fille. Il ne s'agit pas de cela. Sachez seulement vous tenir à votre place. Oh, monsieur veut me renvoyer. Attends, je m'en vais rendre la vie dure, vieux pistolet. 8 jours après, en coiffant sa maîtresse, Justine regarde dans la glace pour s'assurer que madame peut voir toutes les grimaces de sa physionomie. Aussi, Caroline lui demande-t-elle bientôt... Qu'as-tu donc, Justine ? Ce que j'ai, je le dirai bien à madame. Et madame est si faible avec monsieur. Allons, voyons, dis. Je sais bien, madame, pourquoi monsieur veut me mettre lui-même à la porte. Monsieur n'a plus confiance qu'en Benoît. Et Benoît fait le discret avec moi. Eh bien, qu'y a-t-il ? A-t-on surpris quelque chose ? Je suis sûre qu'à eux deux, ils manigancent quelque chose contre madame. Caroline, que Justine observe dans la glace, est devenue pâle. Toutes les tortures de la petite misère d'hier soir reviennent. Et Justine se voit devenue nécessaire, autant que les espions le sont au gouvernement quand on découvre une conspiration. Cependant, les amis de Caroline ne s'expliquent pas pourquoi elle tient à une fille si désagréable, qui fait l'impertinente. On parle de cette domination stupide chez madame Deschard, chez madame de Fichtaminel, et l'on en plaisante. Quelques femmes entrevoient des raisons monstrueuses et qui mettent en cause l'honneur de Caroline. Axiome. Dans le monde, on sait mettre des paletots à toutes les vérités, même les plus jolies. Il est avéré que Caroline ne peut pas renvoyer sa femme de chambre. Madame de Fichtaminel se moque d'Adolphe. Adolphe revient chez lui furieux, fait une scène à Caroline et renvoie Justine. Ceci produit un tel effet sur Justine que Justine tombe malade et elle se met au lit. Dès qu'elle sera rétablie, qu'elle s'en aille ! Caroline, rassurée sur Adolphe et indignement grugée par Justine, en arrive à vouloir s'en débarrasser. Elle applique sur cette plaie un remède violent et elle se décide à passer par les fourches caudines d'une autre petite misère que voici. Les aveux. Un matin, Adolphe est ultra câliné. Le trop heureux mari cherche les raisons de ce redoublement de tendresse et il entend Caroline qui, d'une voix caressante, lui dit « Adolphe ». Quoi ? Répond-il effrayé du tremblement intérieur accusé par la voix de Caroline. « Promets-moi de ne pas te fâcher. » « Oui. » « De ne pas m'en vouloir. » « Jamais. » De me pardonner et de ne jamais me parler de ça. Mais dis donc. D'ailleurs, tous les torts sont à toi. Voyons où je m'en vais. Il n'y a que toi qui puisses me faire sortir de l'embarras où je suis. Et à cause de toi... Mais voyons. Il s'agit de... De ? De Justine. Ne m'en parle pas, elle est renvoyée. Je ne veux plus la voir, sa manière d'être expose votre réputation. Mais que peut-on dire ? Que t'a-t-on dit ? La scène tourne. Il en résulte une explication qui fait rougir Caroline dès qu'elle aperçoit la portée des suppositions de ses meilleures amies, enchantées toutes de trouver des raisons bizarres à sa vertu. Eh bien, Adolphe, c'est toi qui me vaux tout cela. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de Frédéric ? Le grand ? Le roi de Prusse ? Oh, voilà bien les hommes, Tartuffe ! Voudrais-tu me faire croire que tu as oublié depuis si peu de temps ton fils, le fils de mademoiselle Suzanne Beauminet ? Tu sais. Tout. Et la mère Mahuchet était sortie pour faire dîner le petit quand il a congé. Quelquefois, l'affaire Chaumontel est un enfant naturel. C'est l'espèce la moins dangereuse des affaires Chaumontel. Quel chemin de taupe vous savez faire, vous autres dévotes ? C'est Justine qui a tout découvert. Oh ! Je comprends maintenant la raison de ces insolences. Ouais, va, mon ami. Que cela t'apprenne, mon ange, à ne jamais te servir de tes domestiques, si tu veux qu'ils te servent. Adolphe profite de cette circonstance pour épouvanter Caroline, car il pense à ses futures affaires Chaumontel et voudrait bien ne plus être espionné. Justine est mandée. Adolphe la renvoie immédiatement sans vouloir qu'elle s'explique. Caroline croit sa petite misère finie. Elle prend une autre femme de chambre. Justine, à qui ses 12 ou 15 000 francs ont mérité les attentions d'un porteur d'eau à la voix, devient Madame Chavagnac et entreprend le commerce de la fruiterie. 10 mois après, Caroline reçoit par un commissionnaire, en l'absence d'Adolphe, une lettre écrite sur du papier écolier en jambage qui voudrait 3 mois d'orthopédie et ainsi conçue. Madame, vous êtes indignement trompée par monsieur pour Mme de Fichtaminel. Il va tous les soirs. Et vous n'y voyez que du feu. Vous n'avez que ce que vous méritez. J'en suis content. J'ai bien et l'honneur de vous saluer. Caroline bondit comme une lionne piquée par un taon. Elle se replace d'elle-même sur le grill du soupçon. Elle recommence sa lutte avec l'inconnu. Quand elle a reconnu l'injustice de ses soupçons, il arrive une autre lettre qui lui offre de lui donner des renseignements sur une affaire Chaumontel que Justine a éventée. La petite misère des aveux, souvenez-vous-en, mesdames, est souvent plus grave que celle-ci. Humiliation. À la gloire des femmes, elles tiennent encore à leur mari quand leurs maris ne tiennent plus à elles, non seulement parce qu'il existe, socialement parlant, plus de liens entre une femme mariée et un homme qu'entre cet homme et sa femme, mais encore parce que la femme a plus de délicatesse et d'honneur que l'homme, la grande question conjugale mise à part, bien entendu. Axiome. Dans un mari, il n'y a qu'un homme. Dans une femme mariée, il y a un homme, un père, une mère et une femme. Une femme mariée a de la sensibilité pour 4, et pour 5 même, si l'on y regarde bien. Or, il n'est pas inutile de faire observer ici que, pour les femmes, l'amour est une absolution générale. L'homme qui aime peut bien commettre des crimes, il est toujours blanc comme neige aux yeux de celle qu'il aime, s'il aime bien. Quant à la femme mariée, aimée ou non, elle sent si bien que l'honneur, la considération de son mari sont la fortune de ses enfants, qu'elle agit comme la femme qui aime tant l'intérêt social est violent. Ce sentiment profond engendre pour quelques Caroline des petites misères qui, par malheur pour ce feuilleton, ont un côté triste. Adolphe s'est compromis. Ainsi, dans une faillite, pour se couvrir, ceci veut dire récupérer sa créance, Adolphe a trempé dans des actes illicites qui peuvent mener un homme à témoigner en cour d'assises. On ne sait même pas si le hardi créancier ne sera pas considéré comme complice. Adolphe, embarrassé, car son conseil lui a dit de ne paraître en rien, a recours à Caroline. Il lui fait la leçon, il l'endoctrine, il lui apprend le code, il veille à sa toilette, il l'équipe comme un brick envoyé en course et il l'expédie chez un juge et chez un syndic. Le juge est un homme en apparence sévère qui cache un libertin. Il garde son sérieux en voyant entrer une jolie femme et il dit des choses excessivement amères sur Adolphe. « Je vous plains, madame. » Vous appartenez à un homme qui peut vous attirer bien des désagréments. Encore quelques affaires de ce genre et il sera tout à fait déconsidéré. Avez-vous des enfants ? Pardonnez-moi cette question. Vous êtes si jeune qu'il est bien naturel. Et le juge se met le plus près possible de Caroline. Oui, monsieur. Oh, bon Dieu ! Quel avenir ! Ma première pensée était pour la femme, mais maintenant je vous plains doublement. Je songe à la mère. Oh, combien vous avez dû souffrir en venant ici, pauvre, pauvre femme. Ah, monsieur, vous vous intéressez à moi, n'est-ce pas? Hélas, que puis-je? Ce que vous me demandez est une forfaiture. Je suis magistrat avant d'être homme. Ah, monsieur, soyez homme seulement. Savez-vous bien ce que vous dites là, ma belle dame? Là. Le magistrat consulaire prend en tremblant la main de Caroline. Caroline, en songeant qu'il s'agit de l'honneur de son mari, de ses enfants, se dit en elle-même que ce n'est pas le cas de faire la prude. Elle laisse prendre sa main. Elle résiste assez pour que le galant vieillard, c'est heureusement un vieillard, y trouve une faveur. Allons. Allons, ma belle dame, ne pleurez pas. Je serais au désespoir de faire couler les larmes d'une si jolie personne. Nous verrons. Vous viendrez demain soir m'expliquer l'affaire. Il faut voir toutes les pièces. Nous les compulserons ensemble. Monsieur. Mais il le faut. Monsieur. N'ayez pas peur, belle dame. Un juge peut savoir accorder ce qu'on doit à la justice et... Il prend un petit air fin. À la beauté. Mais, monsieur... Soyez tranquille. Et ce grand délit, nous tâcherons de le changer en peccadille. Et il reconduit Caroline atterrée d'un rendez-vous ainsi proposé. Le syndic est un jeune homme gaillard qui reçoit Madame Adolphe en souriant. Il sourit à tout et il la prend par la taille en souriant avec une habileté de séducteur qui ne permet pas à Caroline de se révolter, d'autant plus qu'elle se dit « Adolphe m'a bien recommandé de ne pas irriter le syndic. » Néanmoins, Caroline, ne fût-ce que dans l'intérêt du syndic, se dégage et lui dit le « Monsieur !» qu'elle a répété trois fois au juge. « Ne m'en voulez pas, vous êtes irrésistible !» Vous êtes un ange, et votre mari un monstre. Car dans quelle intention voit-il une sirène à un jeune homme qui s'est inflammable? Monsieur, mon mari n'a pas pu venir lui-même. Il est au lit, bien souffrant. Et vous l'avez menacé d'une si terrible façon que l'urgence... Il n'a donc pas d'avoué, d'agréé. Caroline est épouvantée de cette observation qui dévoile une profonde scélératesse chez Adolphe. Il a pensé, monsieur... Que vous auriez des égards pour une mère de famille, pour des enfants. Ta ta ta ta. Vous êtes venu pour attenter à mon indépendance, à ma conscience, et vous voulez que je vous livre les créanciers? Eh bien, je fais plus. Je vous livre mon cœur, ma fortune. Il veut sauver son honneur, votre mari. Moi, je vous donne le mien. Oh, monsieur, vous m'épouvantez! Dit-elle en essayant de relever le syndic qui s'est mis à ses pieds. Je reviendrai quand vous serez plus sage. Elle joue la femme effrayée et gagne la porte en sortant de cette situation délicate comme savent en sortir les femmes, c'est-à-dire en ne compromettant rien. Vous me laissez ainsi. Prenez garde. Votre mari pourra bien s'asseoir sur les bancs de la cour d'assises. Il est le complice d'une banqueroute frauduleuse. Et nous savons de lui... bien des choses qui ne sont pas honorables. Ce n'est pas un premier incartade. Il a fait des affaires un peu sales, des tripotages indignes. Vous ménagez bien l'honneur d'un homme qui se moque de son honneur comme du vôtre. Caroline, effrayée de ces paroles, revient. Que voulez-vous dire, monsieur ? Eh bien, l'affaire... Chaumont-elle ? Non, cette spéculation sur les maisons qu'il faisait bâtir par des gens insolvables. Caroline se rappelle l'affaire entreprise par Adolphe pour doubler ses revenus. Réécoutez « Jésuitisme des femmes » dans le deuxième épisode de ce feuilleton. Elle tremble. Le syndic a pour lui la curiosité. Asseyez-vous donc là. Tenez. À cette distance, je serais sage, mais je pourrais vous regarder. Et il raconte longuement cette conception due à Du Tillet le banquier, en s'interrompant pour dire... Oh, quel joli pied, petit, menu. Madame Seule a le pied aussi petit que cela. Du Tillet, donc, transigea. Et quelle oreille! Vous a-t-on dit que vous aviez l'oreille délicieuse? Et Du Tillet eut raison, car il y avait déjà jugement. J'aime les petites oreilles. Laissez-moi faire mouler la vôtre, je ferai tout ce que vous voudrez. Du Tillet profita de cela pour faire tout supporter à votre imbécile de mari. Oh, la jolie étoffe. Vous êtes divinement mise. Nous en étions, monsieur. Est-ce que je sais ce que je dis en admirant une tête raphaëlesque comme la vôtre ? Au 27e éloge, Caroline trouve de l'esprit au syndic. Elle lui fait un compliment et s'en va, sans connaître à fond l'histoire de cette entreprise qui, dans le temps, a dévoré 300 000 francs. Cette petite misère a d'énormes variantes. Exemple. Un enfant, du genre terrible, dit devant le monde... Maman, est-ce que tu laisserais Justine me donner des gifles ? Non, certes. Pourquoi demandes-tu cela ? C'est qu'elle vient de donner un fameux souffle à papa, qui est bien plus fort que moi. La dernière querelle. Dans tous les ménages, mari et femme entendent sonner une heure fatale. C'est un vrai glas, la mort de la jalousie. Une grande, une noble, une charmante passion, le seul véritable symptôme de l'amour, s'il n'est pas toutefois son double. Quand une femme n'est plus jalouse de son mari, tout est dit, elle ne l'aime plus. Aussi, l'amour conjugal s'éteint-il dans la dernière querelle que fait une femme. Axiome. Dès qu'une femme ne querelle plus son mari, le Minotaure est assis dans un fauteuil au coin de la cheminée de la chambre à coucher, et il tracasse avec le bout de sa canne ses bottes vernies. Toutes les femmes doivent se rappeler leur dernière querelle, cette suprême petite misère qui souvent éclate à propos d'un rien ou plus souvent encore à l'occasion d'un fait brutal, d'une preuve décisive. Ce cruel adieu à la croyance, aux enfantillages de l'amour, à la vertu même, est en quelque sorte capricieux comme la vie. Comme la vie, il n'est le même dans aucun ménage. Ici, peut-être, l'auteur doit-il chercher toutes les variétés de querelles s'il veut être exact. Ainsi, Caroline aura découvert que la robe judiciaire du syndic de l'affaire Chaumont-elle cache une robe d'une étoffe infiniment moins rude, d'une couleur agréable, soyeuse, qu'enfin Chaumont-elle a des cheveux blonds et des yeux bleus. Ou elle aura été comme instruite par le parfum étranger qu'elle sentait depuis quelque temps sur Adolphe, et elle aura lu ces quelques lignes d'une grisette. Ingrat. Sais, je sais que tu veux dire avec Hippolyte. Viens, et tu verras si je t'aime. Ou ceci, d'une dame. Hier, mon ami, vous vous êtes fait attendre. Que sera-ce demain ? Ou ceci, d'une bourgeoise prétentieuse. Les femmes qui vous aiment, mon cher monsieur, sont bien malheureuses de vous tant haïr quand vous n'êtes pas près d'elles. Prenez garde. La haine qui dure pendant votre absence pourrait empiéter sur les moments où l'on vous voit. Ou ceci d'une actrice. Faquin de chaude oreille, que faisais-tu donc hier sur le boulevard avec une femme pendue à ton bras? Si c'est ta femme, reçois mes compliments de condoléances sur tous ces charmes qui sont absents. Elle les a sans doute mis au mont de piété, mais la reconnaissance en est perdue. Ou bien Adolphe se sera pour la 7e fois trompé de nom et aura, le matin, en s'éveillant, appelé sa femme Juliette, Charlotte ou Lisa. Ou bien un marchand de comestibles, un restaurateur, envoie, en l'absence de monsieur, des notes accusatrices qui tombent entre les mains de Caroline. 192,50 €. Ou bien, mais vouloir formuler tous les hasards, c'est une entreprise de fou. Chaque femme se rappellera comment le bandeau qu'elle avait sur les yeux est tombé. Comment, après bien des doutes, des déchirements de cœur, elle est arrivée à ne faire une querelle que pour clore le roman, stipuler son indépendance ou commencer une nouvelle vie. Généralement, dans cette scène capitale de la vie conjugale, le beau sexe est bourreau là où, dans le cas contraire, l'homme est assassin. Voici comment. Cette dernière querelle, vous allez savoir pourquoi l'auteur l'a nommée « dernière », se termine toujours par une promesse solennelle, sacrée, que font les femmes délicates, nobles ou simplement spirituelles, c'est-à-dire toutes les femmes, et que nous donnons sous sa plus belle forme. Assez, Adolphe, assez. Nous ne nous aimons plus. Tu m'as trahi, et je ne l'oublierai jamais. On peut pardonner, mais oublier, c'est impossible. Les femmes ne se font implacables que pour rendre leur pardon charmant. Elles ont deviné Dieu. Nous avons à vivre en commun comme deux amis. Eh bien, vivons comme deux frères, deux camarades. Je ne veux pas te rendre la vie insupportable. Et je ne te parlerai jamais de ce qui vient de se passer. Adolphe remercie Caroline, entrevoit le bonheur. Il s'est fait de sa femme une sœur et il croit redevenir garçon. Le lendemain, Caroline se permet une allusion très spirituelle, Adolphe ne peut pas s'empêcher d'en rire, à l'affaire Chaumontel. Dans le monde, elle lance des généralités qui deviennent des particularités sur cette dernière querelle. Au bout d'une quinzaine, il ne se passe pas de jour où Caroline n'ait rappelé la dernière querelle en disant « C'était le jour où j'ai trouvé dans ta poche la facture Chaumontel. » Ou « C'est le jour où j'ai vu clair dans la vie. » Elle assassine Adolphe, elle le martyrise. Dans le monde, elle dit des choses terribles. Nous sommes heureuses, ma chère, le jour où nous n'aimons plus. C'est alors que nous savons nous faire aimer. Et elle regarde Ferdinand. Ah, vous avez aussi votre affaire Chaumontel, dit-elle à Madame Foulepointe. Enfin, la dernière querelle ne finit jamais. D'où cet axiome. Se donner un tort vis-à-vis de sa femme légitime, c'est résoudre le problème du mouvement perpétuel. Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie française. Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern, et Christian Gonon, Jérôme Pouli, Serge Bagdassarian, Suliane Brahim, Catherine Sauval, Sylvia Berger, Pauline Méreuse. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.